Grandet commençait alors sa 66e année. La vue de l'or, la possession de l'or, était devenue sa monomanie. Enfin, il prit son parti, revint à Saumur à l'heure du dîner, résolu de plier devant Eugénie, de la cajoler, de l'amadouer, afin de pouvoir mourir royalement, en tenant jusqu'au dernier soupir les rênes de ses millions. « Nous avons fait la paix, pas vrai, fifille ? Plus de pain sec, tu mangeras tout ce que tu voudras. » Malgré les soins les plus tendres prodigués par Eugénie, Madame Grandet marcha rapidement vers la mort. Au mois d'octobre 1822, elle s'éteignit sans avoir laissé échapper la moindre plainte. Le lendemain de cette mort, Eugénie trouva de nouveaux motifs de s'attacher à cette maison où elle était née, où elle avait tant souffert, où sa mère venait de mourir. Elle crut avoir méconnu l'âme de son vieux père en se voyant l'objet de ses soins les plus tendres. Il venait lui donner le bras pour descendre déjeuner. Enfin, il la couvait comme si elle eût été d'or. Mais le jour où la famille prit le deuil, la conduite du bonhomme s'expliqua. En effet, le notaire Cruchot apporte un acte par lequel Eugénie renonce à la succession de sa mère. Le lendemain, vers midi, fut signée la déclaration par laquelle Eugénie accomplissait elle-même sa spoliation.